La Société de la Croix-Rouge de Corée a accompli les objectifs pour la réalisation du plan stratégique jusqu'en 2016. Les objectifs du plan stratégique jusqu'en 2016, fixés par la Société de la Croix-Rouge de Corée à la conférence de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée, tenue en 2012, selon la réalité en évolution et la stratégie 2020 de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont accomplis grâce aux efforts des cadres de la direction et des filiales de tous les échelons de la Société de la Croix-Rouge coréenne et des bénévoles de tout le pays. Les échanges et coopérations se sont développés considérablement entre la Société de la Croix-Rouge de Corée et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et autres formations de divers pays.